pas de la baraque si j'ai pas fait mes prières. Tous les jours, je dois entier, c'est plus qu'hier. Jamais je suis quillé, je cale un S, mais j'ai pas les yeux pliés. Et mes problèmes s'empilent comme des billets. Je suis pas le meilleur des grands refs, mais mon petit ref n'a pas besoin de dealer. Tu sais pas combien j'ai d'idées, le chargeur n'est pas encore vidé. Combien j'ai dépensé à Vuitton, combien j'ai dépensé en tickets. Parano dans l'auto, y'a des micros. Charpuché dans l'Audi Quattro, j'parle que au gérant, c'est moi le patron. J'ai pas de père, j'ai machine à briller. Combien? Dans tous les secteurs on est grillé. Le pouvoir ça nous fait briller. Ah ouais. Combien d'arômes ont dû prier? Combien? Ces fils de pute faut que de noyenne. Plus Audi que Cayenne, t'es mal et te con, t'es mal et t'es même. On est plus des petits, t'es mal à la taille de la quiche, ça parle en maître. Sérieux mec, ça parle du résultat mais pas des pertes. La cité sous com, les mineurs au détail. Bienvenue. Ça vend du foin et du bétail. Pendant les embrouilles, j'ai jamais d'étal. Branché avec tout Paname. 5G, connexion bizarre. Avec le business, connexion bizarre. On peut te la livrer, je connais des routards. Je connais des chauffeurs, je connais des livreurs. J'suis un compact, y'a que des moutards. Chez nous, y'a personne qui a raquette, le premier qui vient. On allume mon pétard. Y'a toujours les mêmes à côté. Famille. Mes amis sont mes associés. Famille. ZF, quand y'a une saisie, on s'assoit sur 100 000. S'il y a une CR, c'est ma vie, hein. C'est les risques. J'ai pas de cœur, j'ai machine à piller. Combien? Elle connaît même pas mon prénom, mais elle fait du bruit. À ce qu'ils pensaient parler. Que des bandeuses, que des affolés. Hey, where's the chief?